Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal. Le mandat de la commission chargée de proposer les articles à amender dans la constitution du Burundi va prendre fin le 15 septembre au courant de certains politiciens dénoncent ceux qui n'ont pas été consultés. Plusieurs autorités scolaires ont été limogées la semaine dernière à Rumonge et à Bururi. Elles sont accusées d'avoir fourni de fausses données dans le programme de redéploiement des enseignants. Des heures ont éclaté ce dimanche à Kumubarazi de la route nationale 2 entre les éléments de la police et les habitants de cette localité, faisant 7 blessés dont 3 policiers. L'origine de l'incident serait un malentendu entre ces éléments de la police et un démobilisé de la localité. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La commission chargée de proposer les articles à amender dans la constitution du Burundi va bientôt terminer son mandat de 6 mois tel que le prévoit le décret présidentiel du 15 mars de l'année en cours. Alors que ce mandat prend fin le 15 septembre, cette commission refuse de se prononcer sur l'état d'avancement de ses activités ni de la méthodologie utilisée. Le parti APDR demande au gouvernement burundais de ne pas tenter de changer la constitution avant de consulter les politiciens. Gabriel Banzawitonde, président de ce parti, indique qu'il a appris que la commission chargée de proposer des amendements à faire dans la constitution a déjà remis le rapport au président de la République. Il regrette que la dite commission n'ait pas consulté les parties prenantes et recommande au gouvernement de le faire à sa place. On l'écoute. La commission n'a pas consulté le parti APDR, mais aussi les autres partis n'ont pas été consultés. Et par raison dit, nous connaissons que la commission a déjà donné le rapport à son excellence au président de la République. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant au gouvernement de mener des consultations à toutes les parties prenantes, surtout les politiciens, à quelques articles amendés dans la constitution pour qu'ils ne seront pas des entraves pendant les élections 2020. Et notamment, vous savez que pendant la commission CNDI, chargé de dialogue inter-Burundi a fourni le rapport aussi à son excellence président de la République, mais cette commission n'a pas donné le rapport officiel au niveau des politiciens. Et voilà, la deuxième commission vient de terminer son mandat sans toutefois encore donner le rapport aux politiciens. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant au gouvernement de commencer déjà les consultations afin que nous donnions nos contributions aux articles amendés de la Constitution. Vous estimez que vous, les partis politiques, vous devriez être consultés avant le dépôt de ce rapport au président de la République. Qu'en est-il des résultats du dialogue extérieur d'Arusha? Concernant la Constitution, je pense que le dialogue extérieur n'a pas de place. C'était Gabriel Bazawitonde, président du parti APDR. Toujours sur la page politique, Tassian Sibomana, un des opposants politiques au pouvoir burundais, dit ne pas avoir été consulté pour une quelconque modification de la constitution. Ce qu'il ne regrette pas par ailleurs. Il explique que sa position contre le projet de constitution et de l'accord d'Arusha reste maintenue. Tassian Sibomana demande à la commission en charge de proposer un projet de constitution amendé de tenir compte dans tout ce qu'elle fait de l'intérêt général des Burundais, y compris les leurs. Il affirme que le projet de modifier la constitution date des années 2013. Suivez-le. Vous savez que déjà depuis 2013, ce débat avait été houleux à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que le président de l'Assemblée nationale d'alors avait organisé un forum qui avait regroupé toutes les institutions de la République, tous les partis politiques agréés, toutes les organisations de la société civile, toutes les confessions religieuses. Et pour rappel, les commissions techniques qui avaient été créées dans ce cadre-là étaient toutes présidées par des évêques. Vous comprenez combien la chose avait été jugée importante jusqu'à ce que les forces morales soient les premières à voir faciliter les débats dans ce sens. À travers ce forum, il avait été convenu de changer certaines dispositions consensuellement acceptées. Mais parce que justement le CNDD-FDD avait voulu changer des dispositions de fond qui altèrent en définitive la substance de l'accord d'Arusha, il a préféré mettre dans le tiroir les compromis sanctionnant ce forum inclusif et il a préféré forcer la procédure de révision via l'Assemblée nationale. Et Dieu seul sait combien nous avons été sauvés de justesse parce qu'il leur a manqué une voix. La CNDI, qui a été mise en place dans la conjoncture que vous connaissez, n'avait qu'une avance. Ce n'est qu'une réédition de l'inexploit qui avait été échoué avec le forcing du vote qui a raté en 2014 à l'Assemblée nationale. Et quel serait votre souhait aujourd'hui? Le souhait est très simple. Il faut se rappeler que la constitution qui régit le Burundi aujourd'hui n'est pas une constitution ordinaire. C'est une constitution qui n'est qu'une partie de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui a été négociée et signée dans les conditions que vous connaissez. J'en appelle la responsabilité des uns des autres. Que ce soit les membres de la commission, les hommes et femmes qui auront à se prononcer d'une façon ou d'une autre, qu'ils se rappellent d'abord qu'ils sont burundais. Qu'ils se rappellent que les lois mauvaises causent des préjudices à tout le peuple burundais, y compris ceux-là même qui ont voté ces lois. Enfin, je voulais leur faire un clin d'œil. Le cas de la Cour suprême du Kenya devrait leur servir de leçon. Tassian Sibomana, il est acteur politique. Sur la page de sécurité, cette personne, dont trois policiers ont été blessés ce dimanche dans une dispute entre la police et les habitants de Kumubarazi. C'est sur la route nationale 2. Le porte-parole de la police indiquait que les policiers en mission ont dû tirer pour disperser la population de la localité qui s'en est pris à eux en leur lançant des pierres et des briques. Selon Pierre Ngurikiye, l'origine de l'incident, c'est un malentendu entre ces éléments de la police et un démobilisé de la localité. Toujours sur la page sécurité, deux personnes ont été blessées la nuit de dimanche à lundi par une grenade lancée chez Hassan Nduwimana, habitant de la colline Kigoma. Nous sommes en commune Busoni de la province de Kirundo. Un suspect du nom d'Emmanuel Nzobonima est déjà arrêté pour des questions d'enquête. Toujours sur la page de sécurité, un corps d'Elisabeth Nyandu a été trouvé ce dimanche dans les eaux de la rivière Nanonga. C'est à la colline Muruta de la province Kayanza. La police qui rapporte que cette vieille femme de 64 ans a été découverte noyée dans cette rivière dit plutôt qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette mort. Et sur la page de justice, arrestation ce dimanche d'une fille accusée d'infanticide en commune Lutovu de la province de Bururi. Le corps de son nouveau-né a été découvert ce samedi quand les chiens allaient le dévorer. La mère de la fille a été elle aussi conduite ce matin au bureau de la commune Lutovu par les voisins, l'accusant d'être complice avec sa fille dans ce meurtre. À 13h, 7 minutes dans le studio de la radio Isanganiro, nous entamons la page éducation. Plusieurs autorités scolaires ont été limogées la semaine dernière à Rumonge, à Abururi, pour avoir fourni de fausses données dans le programme de redéploiement des enseignants. Conséquence, ces anciennes autorités sont objets de redéploiement. Une mesure saluée par les représentants de l'organisation Parsem dans ces provinces, Jean-Pierre Misago. En commune Rumonge, le directeur de l'Ecofo, Boussebga, a été limogé puis inscrit sur la liste des candidats au redéploiement. Il avait rayé un enseignant sur la liste de son personnel présenté à la commission de redéploiement alors qu'il n'en a pas les compétences. Le préfet des études au lycée communal Mutambara a eu la même sanction après avoir échoué d'expliquer le cas d'un enseignant qui avait été injustement redéployé de cette école et qui est revenu porter plainte devant la commission de redéploiement. En commune Bururi, c'est le directeur du lycée communal Gisanze qui a été puni. Sur la liste de son personnel, il avait attribué 0 heure à un enseignant pour l'exposer au redéploiement sur le fond des malentendus entre lui et son enseignant. Firmé Bouchoumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, informe que même le préfet des études au lycée communal Nyakigongo en commune Songa a été limogé et des enquêtes sont en cours sur un autre directeur de cette même direction communale. Singaïmana Jules, représentant de Parsem en province de Bururi, de même que Angelo Bazombanzan de cette même organisation Arumongue, qui suivait avec intérêt cette opération de redéploiement, salue la transparence qui l'a caractérisée et les sanctions prises contre les faussaires de données, demandant que tous les fournisseurs de fausses informations soient punis aussitôt débusqués. Jean-Pierre Misago de Pibururi, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Toujours sur la page éducation, les préparatifs pour la rentrée scolaire vont bon train pour certains parents rencontrés à la librairie Saint-Paul. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Ils disent rechercher le matériel de qualité, bien qu'il coûte cher. Nous allons y revenir. Certains habitants de la mairie de Bujumbura demandent au ministère de l'énergie, au ministère de l'énergie et mines d'honorer ses engagements, étant donné qu'il avait promis que le problème de délestage ne se produira plus dès le début du mois d'août. Ces habitants ajoutent en outre que les pertes sont énormes pendant cette période de délestage. On les écoute. Pour la carence de l'électricité, cause un problème majeur dans notre pays, notamment dans la capitale. Donc tout cela, ça cause un problème. On ne peut pas vendre comme on voudrait. Sans oublier les gens qui utilisent les ordinateurs, les impressions. Donc il y a une perte énorme. Oui, les pertes sont énormes. Vous voyez, le courant peut partir d'il y a 3 heures, mais, ou bien une journée. Donc, il y a une perte énorme. On ne peut pas même considérer, on ne peut pas calculer. Car les jours ne sont pas les mêmes. Il y a des jours où on produit beaucoup. Et voilà ce jour-là, le produit, plutôt le courant, est parti. Donc, on ne peut pas calculer, mais il y a une perte énorme. On demande aux autorités de chercher à régler le problème du courant, le problème de l'électricité. Si ils parviennent à le faire, ça sera, ça aidera la population, ça aidera même les impôts de l'État. Les autorités nous ont promis que le problème d'électro-délestage ne se produira plus dès le début d'août. Nous demandons aux autorités habilitées de régler ce problème. Des fois, nos clients nous quittent pour manque d'électricité. Cette décision devrait être mise en exécution. Moi, j'habite à Kamengi. La régie des zones fournit de l'électricité de 19h à 22h. Les activités quotidiennes des uns ou des autres ne se déroulent pas normalement. Les autorités habilitées devraient honorer ces engagements. C'était là, certains habitants de la capitale Bujumbura, le ministre de l'énergie et Minecom Emmanuel Akiza, indiquait que les coupures de courant électrique vont bientôt prendre fin. Il expliquait qu'ils avaient connu un problème relatif au matériel qui leur sont parvenus un peu tardivement. Retour sur la page éducation, les préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire vont bon train pour certains parents rencontrés à la librairie Saint-Paul en mairie de Bujumbura. Ils disent rechercher le matériel de qualité, bien qu'il coûte cher. Ils ajoutent que ce matériel n'est pas facilement trouvable sur le marché. Je vous prie de les écouter. Nous sommes venus acheter des cahiers. Ces bouts de papier que vous voyez, ce sont des listes des cahiers. Tu es servi dès que c'est ton tour. Les acheteurs sont nombreux. Nous attendons. C'est ici où nous trouvons des cahiers de qualité. Nous nous rangeons par ordre d'arrivée. Moi, je viens de passer ici 30 minutes, mais il me reste encore une heure. Nous sommes venus venus chercher le matériel scolaire. Il y a des cahiers, les lattes, les couvertures, tout le matériel dont a besoin un élève. Vous connaissez la date de la rentrée scolaire? Moi, jusqu'ici, je ne connais pas cette date. On ne nous l'a pas encore annoncée, mais certaines écoles ont débuté ce lundi. Le matériel est-il cher ou passable par rapport à l'année passée? À la librairie, le matériel est cher, mais rien n'a changé par rapport à l'année passée. C'est vraiment cher. Pourquoi avoir choisi alors la librairie Saint-Paul? C'est parce que le matériel est de qualité, telles les feuilles. Un enfant peut les utiliser toute l'année, quelquefois. Certaines sections des écoles paramédicales privées viennent d'être fermées par une ordonnance ministérielle du 1er septembre de cette année. Dans l'article 3 de cette ordonnance du ministre de la Santé, la ministre invite les parents à faire inscrire leurs parents dans les écoles remplissant les normes requises. Florence Ndaïra-Guijé, stagiaire à la radio Isanganiro, a lu pour nous le contenu de cette ordonnance ministérielle. Les sections qui sont touchées par l'ordonnance numéro 630/12/77 du 1er septembre de cette année sont la section de soins infirmiers, la section de laboratoire et la section d'assainissement. Les écoles concernées sont au nombre de 8, à savoir École paramédicale Salama, Groupe scolaire paramédical, Institut technique médical de Bujumbura, École technique médicale de Makamba, École paramédicale Kinyinya, Medical Mercy Institute de Mugoboka, École paramédicale de Kamenge et l'École paramédicale d'assainissement et de laboratoire de Rutana. Dans l'article 3 de cette ordonnance, la ministre de la Santé invite les parents d'élèves de faire inscrire leurs enfants dans les écoles remplissant les normes, bien que ces dernières ne sont pas précisées par la dite ordonnance. Dans cette ordonnance, elle fait savoir que les sections fermées ne pourront pas recevoir les élèves avant de remplir les normes exigées. À la source, reportage. Le reporter de ce lundi nous conduit au centre d'innovation de Viegua, en commune Emumba de la province Ngozi, où se pratique l'élevage moderne des chèvres de race alpine. Les chevreaux, les boucs géniteurs, les chèvres allaitantes, chaque catégorie est gardée dans son bloc. Chaque chèvre laitière peut donner un litre et demi ou plus de lait par jour, comme l'explique Elias Minani, le chef de programme production animale à l'ISABO, Alain Désiré Boukéenèse. Nous sommes au centre d'innovation d'élevage de l'ISABO de Viegua en commune Mwomba de la province Ngozi. Le centre est situé à plus de 7 km, 3 km du chef-lieu de cette province. Il s'agit d'un centre pour élevage de 100 chèvres de race alpine qui sont normalement de grande taille avec plus de 100 kg. Certaines d'entre elles sont de longues cornes, mais pas comme celles des vaches. Elias Minani, chef de programme production animale au sein de l'ISABO, explique que les premières chèvres importées n'avaient pas de cornes puisque coupées, mais que le centre a jugé bon de laisser les cornes de celles qui naissent progressivement. Ces chèvres sont gardées dans des blocs différents. Il nous explique la raison. Il s'agit d'un troupeau qui est composé effectivement d'animaux à différents stades d'évolution, à différents stades de croissance. C'est là où on distingue les chevreaux, on distingue les chevrettes et les jeunes boucs, on distingue les boucs génitaires, on distingue les chèvres lactantes, donc en pleine lactation. Il y a aussi des chèvres en gestation. Donc, suivant les catégories, on doit séparer les animaux par les catégories, et ceci dans le souci de faciliter certaines tâches et surtout les tâches liées à l'alimentation. Le but de ce centre est de constituer un lieu d'innovation pour pouvoir développer l'élevage de ces chèvres au sein des populations. Encore une fois, les explications sont données par Elias Minani. La finalité, c'est de produire, d'abord, c'est de générer des technologies qui vont accompagner les futurs éleveurs de ces animaux. Et en premier lieu, c'est rendre disponibles ces animaux dans le pays. Donc, les rendre disponibles afin que le lait de chèvre soit disponible, afin que les ménages, les exploitations puissent avoir des animaux à élever qui vont leur permettre de produire du lait pour leur consommation, de produire du lait pour la vente et avoir des revenus, de produire du fumier pour fertiliser leurs champs. 17 boucs ont déjà été distribués dans 8 provinces du pays. L'un des bénéficiaires de ce bouc dit qu'il a éprouvé des difficultés pour se familiariser avec les autres chèvres, mais qu'il a pu supporter les maladies qui semblaient l'attaquer. Les chèvres allaitantes produisent 1,5 litre de lait par jour chacune. Et ce centre atteint 23 litres de lait par jour, continue toujours Elias Minani. Je vais vous parler de la moyenne par chèvre qui est ici de 1,5 litre de lait par chèvre par jour. Nous avions l'habitude d'avoir une vingtaine de litres par jour. Et comme maintenant nous avons de plus de 20 chèvres qui sont en gestation, nous espérons qu'ici, 2 mois, on va encore avoir beaucoup de lait. De lait de chèvre qui sera très, parce que nous escomptons avoir beaucoup de mises bas. Il est par la suite produit du fromage à partir du lait de ces chèvres, produit qui a déjà été écoulé sur le marché. Nous disons merci à Alain de Sirabukeneza. C'est sur ce reportage en rapport avec l'élevage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous qui l'avez écouté. Merci également à Eric Ouimana pour sa franche collaboration technique. Bonne suite des programmes à la radio Isanganiro.